déjà, faut des rimes, des phases et du flow pour faire de l'effet au bout. Les yeux se riment, effacer les mots. Pourquoi tu veux que je te parle de crime, de ta sexu? Moi j'ai ce qu'il faut, juste des rimes, des phases et du flow pour faire des sons fous, un style, un blaze au micro. J'appelle FBMISDO. D'abord y'a des rimes, simplement parce que sans le son serait pas terrible. Des rimes et des références bonnes pour éviter des rires. Des rimes comme pour adoucir ce qu'on a à dire. Il faut que ça glisse pour l'auditeur, il faut que ça puisse bien définir nos dires. Des rires si possible en évitant les répétitions. Placer des mots puissants quand on s'invite sur un piston. Des rimes plus faciles à écrire qu'à décrire ou à décrypter. Le truc c'est s'adapter, tout dépend des critères. Des rimes ou des phonétiques semblables jouer sur les syllabes. Et dans ce récit-là, je vais rimer rap avec labo. Des rimes et labo, créées de façon labo, rieuse ou brillante. Pas qu'à son délire, y'a pas de défriant. Des rimes triées pour les textes, impro sous substance vénère si ça teste. Des rimes sèches, y'a celle qui ambiance. Des rimes ça burn sur beat seulement quand les phases sont bonnes. Y'a tellement de façons bonnes pour faire un son, j'te fais pas de leçon comme tu le sais déjà. Pour des rimes, des phases et du flow pour faire de l'effet au poulet sur des rythmes, effacer les faux. Pourquoi tu veux que je te parle de crime, de tasse et de sous? Alors j'ai ce qu'il faut, juste des rimes, des phases et du flow pour faire des sons fous, un style, un blason micro. J'appelle vous faire des Y du 9-1-son. Y'a du mic négro, c'est pour la com et pas qu'élite crew. Des rimes, des phases et du flow, un mic et mes fistos. Ensuite les phases, censé donner de l'impact à chaque phrase. Effacer les nazes et stopper les gaz, c'est juste pour laisser les traces. Gaz et phases, lâcher pour clasher, fâcher les fans. J'ai les bappés lyricalement, normalement parfait si c'est bien fait. Des phases explicitement faites pour un test précis. Tellement compliqué d'être simple, c'est un test ici. Des phases, pour qu'elles restent aussi longtemps que possible dans les esprits. Des phases, si tu ne l'as pas compris, ne me demande pas que je t'explique. Des phases efficaces, celles qui font de l'effet cash. C'est parce qu'on a plein de choses à dire qu'on donne un double sens aux phrases. Des phases, des fois on vit, fait pas, ça part en onomatopée. Mais si l'MC retombe, je sais pas, sans dire même pas que c'est pompé. Des phases pompées, c'est pas beau, c'est pas bon. On reconnaît les faux, c'est ceux qui rappent et qu'ont pas de dons. Ou que pas de flow, mais soi-disant, on est avec le son dans le sang pour eux. Ces trois ingrédients, histoire que ça soit dans le sang, mais toi, tu sais déjà, pour des rimes, des phases et du flow pour faire de l'effet au poulet sur des rythmes, effacer les faux. Pourquoi tu veux que je te parle de crime, de tasse et de sous? Alors j'ai ce qu'il faut, juste des rimes, des phases et du flow pour faire des sons fous, un style, un blason micro. J'appelle vous faire des Y du 9-1-son. Y'a du mic négro, c'est pour la com et pas qu'élite crew. Des rimes, des phases et du flow, un mic et mes pistos. Du flow. Que le fond prenne forme, pour que le son performe, reste et puis c'est faire fort. Du flow, ça demande aucun effort particulier. Suffit de suivre la vibe, c'est penser à bien articuler. Du flow, ou l'art de mettre en face les rimes et les phases et les mimes et passes à la boule. C'est pour ce que j'aime, ces moments d'extasie. Du flow, c'est ce petit truc qui caractérise les MC. Du flow, cette petite air tranquille, la maîtrise du MIC. Du flow, si danse que même les faux se mettent à danser. Les défauts sont dépassés quand ils coulent à flot, j'aime assez. Du flow, des variations sonores, intonations vocales, les blocages deviennent des breaks au mic quand les fesses dégagent. Du flow. Même si si, le mien caméléon, mon blague, mes pistons poésie. Du flow, pour les rôles, les rats, les rats, les helbis, les blagues, les white en droit pour la vie, pour que tout le monde soit ravi. Tu sais déjà, pour des rimes, des phases et du flow pour faire de l'effet au poulet sur des rythmes, effacer les faux. Pourquoi tu veux que je te parle de crime, de tasse et de sous? Alors j'ai ce qu'il faut, juste des rimes, des phases et du flow pour faire des sons fous, un style, un blason micro. J'appelle vous faire des Y du 9-1-son. Y'a du mic négro, c'est pour la com et pas qu'élite crew. Des rimes, des phases et du flow, un mic et mes pistos.